Chapitre 13. Qui sommes-nous? Peu après la grande déception de 1844, ceux qui ont fait partie de ce qui deviendra l'Église adventiste du septième jour auraient pu se rencontrer dans un parloir ou un salon d'une maison d'époque. En 1863, quand l'Église fut officiellement organisée, elle comprenait environ 3500 membres. En 2006, le nombre de membres de l'Église se situe approximativement autour de 15 millions, et sa croissance est dans les dernières années de 1 million de membres par année. Cette étonnante croissance est, bien sûr, une bonne raison de se réjouir. C'est une façon de mesurer le succès du peuple appelé de Dieu dans ses efforts de gagner d'autres à la cause de Jésus et à ses vérités pour les derniers jours. Et bien qu'il soit aussi vrai que les adventistes du septième jour constituent une dénomination religieuse officiellement organisée, ils ne se sont jamais considérés comme une autre église. Ils se sont plutôt perçus comme un mouvement, un peuple qui existe parce que non seulement Dieu a prophétisé qu'il serait tel, mais parce que lorsque le temps prophétique est arrivé, il l'a appelé à sortir de la confusion babylonienne des autres églises pour annoncer son dernier message au monde. Les adventistes, comme l'ancien Israël, sont convaincus de former un peuple élu. Mais ils savent que d'être élu n'implique pas qu'ils soient d'une certaine façon spirituellement supérieurs aux autres. Ils réalisent plutôt que d'être élu signifie avoir un message unique et urgent à partager avec le monde. Unique, parce que nulle communauté dans le monde ne possède un système de vérité aussi complet. Urgent, parce que le temps passe alors que le retour du Christ se fait proche. Mais si notre étonnante croissance au cours des décennies est une bonne raison pour se réjouir et être reconnaissant, il est aussi vrai qu'une croissance qui est juste aléatoire et chaotique peut conduire au désastre. N'importe quel médecin peut vous dire que le cancer, par définition, est une multiplication désorganisée, chaotique et rapide de cellules. Ainsi, au cours de notre histoire, nous avons eu à organiser, réorganiser, puis organiser à nouveau. Et avant que notre mission sur la Terre ne soit achevée, quand Jésus reviendra, nous pourrions voir bien plus de changements sur la manière dont nous fonctionnons en tant qu'Église pour servir. Il est certain que la façon dont nous nous sommes organisés en 1863 quand nous étions 3500 membres est inadéquate maintenant. Elle serait inapplicable aujourd'hui avec 15 millions de membres. Ainsi, tandis que l'Église s'est développée, ses leaders ont réalisé que pour mener à bien la mission que Dieu nous a confiée, nous avions besoin d'organiser cette œuvre en plus petites unités géographiques. En premier, il y eut une conférence générale, le quartier général de notre œuvre. Certains États et des régions plus petites ont eu aussi leur fédération, conférence, locale. Comme l'Église s'est développée rapidement, elle a réalisé qu'il serait bien plus efficace de regrouper plusieurs fédérations locales en union. C'est ainsi qu'en 1901, les unions de fédérations furent formées. Aujourd'hui, les différents niveaux de l'organisation de l'Église sont les suivants. L'Église locale, la fédération d'Église, l'union de fédération, la conférence générale et ses divisions, ou secteurs d'activité. Les divisions, qui peuvent couvrir tout un continent, ou une partie d'un continent, ou un ensemble d'îles, sont appelées « divisions », parce qu'elles constituent des branches de la conférence générale dans leur domaine géographique respectif. Les divisions ne sont pas des entités séparées, des niveaux indépendants de l'organisation de l'Église, mais elles sont plutôt la conférence générale à l'œuvre dans une région du monde. Il y a actuellement 13 divisions. La division de l'Est et de l'Afrique centrale, la division euro-africaine, la division euro-asiatique, la division interaméricaine, la division nord-américaine, la division de l'Asie du Nord et du Pacifique, la division sud-américaine, la division sud-africaine et de l'océan Indien, la division de l'Asie du Sud, la division transeuropéenne, la division de l'Afrique de l'Ouest. Au sein de chacune de ces divisions, il y a les unions de fédérations et de missions. La division nord-américaine, par exemple, possède 9 unions de fédérations. Chacune d'entre elles est composée de fédérations couvrant plusieurs États, parties d'États ou, au Canada, des provinces. Chaque niveau de notre Église existe pour servir les autres entités dans son territoire et pour leur offrir les ressources en administration, formation et motivation spirituelle dont elles ont besoin. Chaque entité, chaque niveau de la structure de l'Église détient son autorité de la volonté représentative et collective de ses membres dans sa région géographique. Les divers niveaux de l'organisation de l'Église se rendent des comptes mutuellement en ce qui concerne la réalisation de leurs objectifs, que le niveau soit celui de l'Église, de la fédération ou de l'Union. Par exemple, les églises locales dans une fédération donnée rendent des comptes à la fédération et existent par la volonté de l'ensemble des électeurs de la fédération. De même que les délégués à une assemblée régulièrement convoquée dans une fédération donnée considèrent les dirigeants et le comité exécutif de la fédération comme responsables, les églises particulières sont responsables devant la volonté collective de toutes les églises de cette fédération. En tant qu'adventiste, vous êtes déjà bien au courant de la structure de notre église. Il n'est donc pas nécessaire de consacrer des chapitres entiers pour faire la liste de toutes les fédérations et unions dans le monde, ou pour développer l'histoire et le rôle de chaque organisation dans telle région. Vous pouvez trouver de telles informations dans l'Adventist Yearbook ou dans la Seventh-day Adventist Encyclopedia, que ce soit sous forme imprimée ou par Internet. Mais, et ici je relève la chose importante de notre discussion présente, vous pouvez être fier de ce que votre Église est, telle une armée, bien organisée pour accomplir sa mission. Vous appartenez à une Église qui fait de son mieux pour être efficace afin de produire le maximum de résultats. Dans ce cas, les résultats ne sont pas des profits colossaux d'actionnaires ou des succès militaires. Les résultats que nous cherchons à obtenir consistent à rapprocher tous les êtres humains de ce monde de Jésus, la vérité, et de ses vérités des derniers jours. Alors que vous vous rendez dans votre église adventiste, vous pouvez aussi savoir que vous faites partie de ce qui est devenu un mouvement mondial, que vous avez des frères et sœurs par millions autour du monde qui partagent la même foi et la même vision d'une œuvre à finir et du retour de Jésus en personne. Bien que l'église ait commencé en Amérique du Nord, ses membres et ses leaders ont porté en leur cœur dès le début une vision globale visant à faire connaître au monde le message des derniers jours. En 1874, G.N. Andrews quitta l'Amérique, en route pour la Suisse, en tant que premier missionnaire de l'Église envoyé à l'étranger. Rapidement, des missionnaires adventistes sont partis chaque année pour servir d'autres nations, d'autres pays. Peu nombreux au début, le nombre d'hommes et de femmes qui ont annoncé l'Évangile dans d'autres pays s'est vite développé. Parmi les premiers missionnaires qui ont suivi les traces d'Andrews, bon nombre accompagnés de leurs familles, il y eut des hommes et des femmes tels que 1874, C.M. Andrews, à Vuillemier, pour la Suisse. 1875, James Herzenberger, pour l'Allemagne. 1875, D.T. Bordeaux, pour la Suisse. 1876, D.T. Bordeaux, pour la France. 1877, G.N. Matheson, pour la Norvège. 1877, Monsieur et Madame William Ings, pour la Suisse. 1878, G.N. Loughborough, pour l'Angleterre. 1878, Maud Sisley, pour l'Angleterre. 1879, Monsieur et Madame J.P. Jasperson, pour la Norvège. Au début de 1880, le nombre annuel de missionnaires a grossi rapidement, de sorte que des douzaines d'entre eux sont partis chaque année pour un territoire missionnaire donné. L'Australie, les Indes orientales, l'Inde, Trinidad, l'Amérique du Sud et centrale, la Nouvelle-Zélande, les îles hawaïennes, Mexico, la Polynésie, rapidement les missionnaires adventistes ont sillonné la Terre. Aujourd'hui, il n'est virtuellement aucun pays, aucun coin perdu de la Terre où l'œuvre de l'Église n'avance. Peut-être qu'aucune autre Église dans ce monde est si véritablement globale que notre Église. Il est vrai, bien sûr, que la marche en avant de l'évangélisation, les progrès vers l'achèvement de l'œuvre, n'est pas présentement uniforme dans le monde. Dans certaines régions, le reste croît comme un feu de forêt poussé par le vent. Cette croissance est si explosive que des baptêmes de masse ont lieu dans de grandes piscines et de nouvelles églises se forment à un niveau étonnant. Dans d'autres parties du monde, l'apathie laodicéenne persiste encore. L'abondance, le travail excessif, les distractions, les divertissements conspirent pour bercer les membres d'église dans une inaction léthargique. On ne peut partager que sa propre expérience et sa propre connaissance. Et si leur premier amour s'est refroidi au point qu'ils ne se souviennent pas pourquoi ils sont adventistes, ils n'ont plus ni l'intérêt ni la motivation pour partager quoi que ce soit avec les autres. Mais la bonne nouvelle est qu'à la fin, la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit se répandra dans l'Église mondiale, faisant naître une nouvelle passion, une nouvelle énergie ou vision, un nouveau désir insurmontable de la part des membres de gagner d'autres à ce Jésus avec lequel ils ont renouvelé leur propre relation d'amour. Quand ce temps viendra, la croissance de l'Église sera uniformément rapide dans le monde. L'évangélisation sera vraiment globale et ira de l'avant non seulement par des réunions publiques, mais bien plus par le fait de l'armée enflammée des membres d'Église. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, et quand il deviendra la source motrice de l'action des derniers véritables partisans de Dieu, le monde entier sera placé en face d'une dernière décision aux conséquences éternelles. Fidélité à Dieu et à sa vérité, ou loyauté à l'égard de l'ennemi, qui consiste premièrement à se servir soi-même. Une expansion mondiale. Alors que vous considérez l'expansion mondiale et le ministère de votre Église, pensez à nouveau aux nombreuses façons fondamentales dont elle touche la vie des gens. Tout autour du monde, les adventistes sont actifs, des chrétiens impliqués. Cette activité prend des formes diverses, dont les principales sont les suivantes. Évangélisation. par le moyen de réunions publiques, particulièrement ces dernières années par l'usage des satellites pour atteindre une plus large audience, des études bibliques personnelles, la distribution de littérature, la radio, la télévision, les séminaires sur la santé et d'autres moyens, nous atteignons nos voisins et amis pour leur faire connaître l'amour de Jésus-Christ. Éducation. Les adventistes administrent 6000 écoles dans le monde, depuis le niveau élémentaire jusqu'au lycée et à l'université. Santé et médecine. Plus de 500 hôpitaux, sanatoriums, cliniques et dispensaires adventistes sont éparpillés à travers le monde. Secours en cas de désastre et de famine. Au travers des efforts d'ADRA, Adventist Development and Relief Agency, notre Église est capable de répondre rapidement à des désastres n'importe où dans le monde, en fournissant de la nourriture, des vêtements et des moyens médicaux. De plus, ADRA met en œuvre un programme permanent de secours contre la famine dans des régions du monde atteintes par la sécheresse. Service social. De nombreuses communautés adventistes gèrent des centres de secours animés par des volontaires de l'Église pour aider les nécessiteux, les sans-abri de leur communauté. Publication. Avec environ 60 maisons d'édition à travers le monde, les adventistes sont entièrement consacrés au partage de la bonne nouvelle de Dieu avec le monde au moyen de la page imprimée. Communication. Les adventistes furent parmi les premiers à annoncer l'évangile de Jésus-Christ par le moyen de la radio et de la télévision. Aujourd'hui, des émissions telles que La Voix de l'Espérance, Lifestyle Magazine, Breath of Life et Il est écrit atteignent des millions de personnes dans le monde. Il est merveilleux de savoir que nous sommes une église en croissance, une église organisée, une famille mondiale. Mais il nous faut être aussi sur nos gardes. Après tout, la septième et dernière église de l'Apocalypse est Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu voies. Tous ceux que j'aime, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 14-20. De quoi avons-nous besoin de nous préserver? D'une tiède expérience spirituelle. Cela peut survenir quand nous laissons dépérir notre relation personnelle avec Jésus. Cela peut arriver quand nous sommes si occupés que nous oublions de maintenir une relation vivante avec lui. De quoi d'autre devons-nous nous préserver? De nous sentir autosuffisants, d'être convaincus que ce que nous faisons est bien alors que ce ne l'est pas. Et cela peut être vrai tout autant dans notre parcours spirituel que dans notre façon de travailler ensemble en tant qu'Église. Les Églises aussi peuvent devenir autosuffisantes, s'appuyant sur leurs programmes, plans, budgets et organisations au lieu de le faire sur la seule vraie source de puissance, le Saint-Esprit de Dieu. Mais le message à Laodicée dit que nous pouvons nous repentir. Nous pouvons rechercher l'or de Dieu, le vêtement blanc et le collier, sa justice, son amour et son esprit. Et nous pouvons l'inviter à entrer alors qu'il frappe à la porte. Imaginez-vous laissant Jésus se tenir à la porte sans lui ouvrir. C'est bien le danger qui nous guette, à titre personnel et en tant qu'Église. Ainsi, alors que nous pensons à ce que cela veut dire que de faire partie du reste, alors que nous considérons ce qu'être adventiste signifie réellement, prenons au sérieux le diagnostic de Dieu à propos de la maladie de Laodicée, parce que nous sommes Laodicée. Dans les classes du lycée, les bons professeurs espèrent que de chaque leçon, les élèves vont emporter chez eux au moins une pensée importante, le point essentiel de la leçon. Ce livre aussi a un message pour la maison. Le voici. Vous faites partie de quelque chose de grand, quelque chose d'une importance phénoménale, quelque chose qui possède une priorité bien plus grande que quoi que ce soit que vous n'entendrez jamais aux nouvelles de la télévision. Vous faites partie, la partie finale, d'une chaîne ininterrompue des fidèles de Dieu depuis l'Éden perdu à l'Éden restauré. Vous avez un rôle particulier à jouer. Dieu a besoin de vous, oui, vous, pour découvrir et employer les dons spirituels qu'il vous a donnés. Il a besoin que naisse en vous une passion pour ceux qui ne le connaissent pas autant que vous. Il a besoin que vous soyez à sa disposition chaque jour afin qu'il puisse attendre d'autres par vous. Dieu a besoin que vous soyez sa voix, ses mains, sa présence auprès de ceux qui sont aveuglés par les mensonges de Satan. Il a besoin que vous disiez la vérité à son sujet. Il a besoin d'aimer les autres gens à travers vous. Il a besoin que vous le laissiez vivre en vous, afin que d'autres puissent voir son caractère d'amour de façon proche et personnelle. Notre identité. Alors que nous traversons la vie, chacun de nous est confronté à la question de son identité. Qui suis-je? Parfois, nous confondons ce que nous sommes avec ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, ou ce que les autres pensent de nous. Mais vous êtes unique? Je suis unique. Chacun de nous est totalement unique. Il est important de découvrir qui nous sommes vraiment, en dehors de notre profession, du rôle que nous jouons dans la vie, de l'opinion des autres. Et si vous êtes un adventiste du septième jour, vous êtes aussi confronté à une autre question d'identité, non de votre identité personnelle, mais du groupe auquel vous appartenez. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'un adventiste? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi existons-nous? L'Encyclopédia of American Religion recense les croyances de 1588 dénominations religieuses ou communautés de foi aux États-Unis, et la World Christian Encyclopedia identifie 10 000 religions différentes à travers le monde. Une seule d'entre elles, le christianisme, comprend 33 830 différentes dénominations dans le monde entier. Ainsi, en tant qu'adventiste, ne sommes-nous qu'une église de plus parmi ces milliers d'églises dans le monde? Y a-t-il vraiment quelque chose de spécial qui appartienne à cette église? Sommes-nous vraiment un port résiduel dans lequel Dieu accueille ceux qui sont trompés et perdus par les fausses doctrines de Babylone? Sommes-nous véritablement un mouvement destiné à porter l'urgent message disant qu'un le point de s'achever? Oui, c'est vrai, nous adventistes, nous sommes parfois distraits. Nous perdons de vue notre objectif. Nous finissons par dérailler quelque temps et sombrons dans des discussions sur les doctrines, les principes de l'Église, ou sur la validité encore aujourd'hui du don de prophétie. Nous constatons que le grand ennemi ne nous a pas laissés seuls. Il s'attaque au mariage adventiste, aux écoles adventistes, aux institutions adventistes et même aux responsables adventistes. Mais, mes amis, même si et alors que le diable fait ce qu'il y a de pire, Dieu est déjà en train de faire ce qu'il a de mieux. Et nous allons voir la pleine puissance de la pluie de l'arrière-saison annoncée par les prophètes, le grand déversement de l'Esprit de Dieu. La pluie de l'arrière-saison donnera puissance au peuple de Dieu, une puissance de Pentecôte sans précédent pour témoigner, mais il ne le transformera pas à la ressemblance de Christ. Apocalypse 7 nous dit qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu recevra le sceau de Dieu. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. » Apocalypse 7, 2, 3. Le front, pensée, cœur. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sont ainsi établis dans leur loyauté à sa personne et à sa vérité, de sorte qu'ils ne peuvent plus changer. Leur engagement pour Dieu est irréversible. Ils sont parvenus à un point dans leur marche chrétienne où ils préféreront mourir plutôt que de revenir à leur propre choix égoïste. Ce processus de stabilisation est régulier et graduel. Il se produit dans le temps, peut-être des années ou des décennies. Pour certains, ce peut être rapide, pour d'autres moins. Ce processus de stabilisation dans la vérité est peut-être quelque chose comme du béton fraîchement coulé, qui lentement, graduellement, se durcit. Finalement, le béton est solide et dur, et ce processus de durcissement ne peut être inversé. Une fois que le peuple de Dieu est solidifié dans la vérité et dans une irréversible fidélité à Dieu, alors, finalement, alors, Dieu peut déverser sur lui son Esprit Saint avec une puissance illimitée pour un achèvement rapide de l'œuvre qu'il a confiée à ses messagers du reste. Montrer et enseigner. Quand le peuple de Dieu rend témoignage, quand il partage sa foi, il est plus qu'un peuple qui proclame. Tout comme un certain auteur a dit, montrer comment faire une chose vaut mieux que dire comment la faire. Un témoignage conduit par l'Esprit est bien plus qu'un partage d'informations, bien qu'il puisse comprendre cela. Le témoignage essentiel du peuple de Dieu, cependant, n'est pas simplement ce que les gens les entendent dire, mais ce qu'ils les voient vivre. À la fin, ceux qui appartiennent à Dieu démontreront dans leur vie à quel point la puissance de Dieu peut véritablement changer des êtres humains quand il est donné une invitation sans restriction à faire ainsi. Les hommes de Dieu démontreront dans leur vie que tout comme Jésus a pu obéir à son Père en s'appuyant sur la puissance divine, ainsi tout véritable disciple peut faire de même aujourd'hui s'il se confie à Dieu comme Jésus le fit. Dieu est plus que désireux de mettre fin au grand conflit et à toute la désolante misère qu'il continue de procurer. Mais la fausse accusation de Satan selon laquelle Dieu a fait une loi qui ne peut être observée, son excuse pour sa propre rébellion, doit parvenir à son comble. Ainsi, Dieu est assez patient pour donner suffisamment de temps à son peuple pour qu'il puisse répondre à cette fausse accusation de sorte qu'elle ne puisse plus jamais être soulevée. Nous qui sommes sur la terre, nous sommes impatients de voir la fin de ce conflit. Si c'est le cas, en nous rendant pleinement disponibles pour Dieu chaque jour, en le laissant nous transformer jusqu'à ce que nous soyons scellés comme étant pour toujours les siens, nous pouvons hâter le retour de notre Sauveur et Seigneur. Dans certaines parties du monde, l'œuvre de l'Église avance déjà au sein de la population comme un feu de brousse. On peut avec raison se dire que le tout début de la pluie de l'arrière-saison est en train de se répandre. Par comparaison, les choses vont plus lentement dans d'autres régions. Mais les choses sont sur le point de changer. Les faits qui se passent dans le monde autour de nous devraient être un appel à se réveiller. L'environnement est en train de se modifier rapidement. La liberté et la sécurité paraissent menacées partout. La dévastation inspirée par le diable enserre le globe. Tout converge vers quelque chose de si stupéfiant qu'il mettra tout le reste au second plan. Nous serions certainement étonnés et sans voix si nous savions réellement combien il nous reste peu de temps. Bientôt, la dernière confrontation tête à tête du bien et du mal dominera toute chose, et les derniers fidèles élus de Dieu vont être au cœur de la scène quand cela arrivera. Car au cours du dernier acte du drame, Dieu pourrait appeler sur le devant de la scène ses derniers Noé, David et Luther. La dernière tombée de rideau étant si proche, que devons-nous faire maintenant ? La réponse est probablement plus facile à comprendre si vous avez été une fois amoureux. Peut-être avez-vous expérimenté l'amour d'un parent, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur ou d'un ami. Ou peut-être que vous avez connu un amour romantique ou marital. Si jamais vous avez expérimenté un amour extrêmement profond, vous savez que vous feriez n'importe quoi pour la personne que vous aimez. Vous savez aussi que l'un de vos plus grands plaisirs est de dire à d'autres à quel point la personne que vous aimez est merveilleuse. Que devrions-nous faire maintenant ? Alors que nous attendons la dernière épreuve de force du grand conflit, qu'est-ce qui devrait nous occuper ? Reconsidérez les termes des deux paragraphes précédents. Si vous êtes amoureux de Jésus-Christ, vous ferez n'importe quoi pour lui. Vous êtes particulièrement désireux de faire des choses que vous savez qu'il désire vous voir faire. Il désire par-dessus tout que vous montriez aux autres à quoi il ressemble en le laissant vivre sa vie à travers vous. À l'occasion, il pourrait vous demander de partager avec d'autres ce que vous savez de sa vérité. Il pourrait même vous donner un don pour l'enseignement, la prédication ou le partage. Mais ce dont il a besoin de chaque adventiste du septième jour, et il en a besoin aujourd'hui, c'est que nous soyons chacun des canaux d'amour et de bénédiction pour les autres. Il a besoin que nous exprimions son caractère dans notre vie de façon si évidente que les autres ne puissent s'y tromper. Il a un urgent besoin de gens au travers desquels il peut montrer aux autres à quoi il ressemble. Il gagnera les rebelles à sa cause quand ils verront la démonstration de son amour concrètement. Quand nous sommes amoureux de Jésus-Christ, nous ne sommes pas timides ou déconcertés à la moindre occasion de dire quelque chose aux autres à son sujet. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses à partager avec ceux qui nous entourent. Mais notre première mission est de les amener à connaître et à aimer le même Sauveur que nous connaissons et aimons. Une fois qu'ils le connaîtront et l'aimeront, les convaincre des vérités des derniers jours paraîtra aisé. Les innombrables personnes qui ont été fidèles et loyales depuis l'époque d'Adam jusqu'en ses débuts du troisième millénaire ont pris fermement position pour le Dieu qu'elles aimaient. Elles ne se seraient pas écartées de la vérité et elles n'auraient jamais accepté des erreurs, même pour se sauver. Un jour, bientôt, sans doute plus tôt que nous le réalisons, nous, adventistes du septième jour, aurons le privilège de rencontrer, de l'autre côté, ceux qui ont été fidèles et qui nous ont précédés. Nous leur demanderons de partager avec nous ce que cela a signifié pour eux que de rester inébranlables en faveur de celui qu'ils aimaient. Et ils voudront certainement savoir ce que cela a signifié pour nous. Y a-t-il vraiment une bonne raison pour que nous demeurions plus longtemps sur cette planète de misère ? Qu'en diriez-vous si nous nous donnions entièrement à l'achèvement de la mission que Dieu nous a donnée ? Qu'en diriez-vous si nous allions à la maison ? À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.